Yeah. Mais c'est la merde dans ma tête, ouais. Depuis la cour d'école, on prend des coups, on les rend et on finit en colle. On ne tend pas l'autre joue, c'est la loi du talion. J'ai rembarré la vie quand j'étais à Lyon. Et ouais, j'ai pris des coups, je les ai toujours rendus. La vie me teste, mais mon pote, je me suis toujours battu. Des fois, je suis abattu, mais bon, faut que je me relève. Je dois rendre les coups, même les deux pieds dans la merde. Yeah, c'est dans mes instincts de base. Les coups que je prends, faire des putains de phases, en faire des putains de phases. Pour animer mes récits, c'est la loi du talion qui règne ici. On n'y peut rien, c'est dans nos gènes dès la naissance. Et quand ça pète, c'est l'escalade de la violence. Ça peut t'amener à faire des trucs de ouf. FLX, Bad White, on vit au bord du gouffre. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, litre de sang pour litre de sang. Yo, ici on vit avec mon 1200 par mois. Si je fais pas les choses qui les frappent, c'est la loi du talion. Réfléchir avant de parler, tout finit par se payer. T'inquiète pas, en cas de problème, on saura qui appeler. S'il faut partir en guerre, on sera là pour assumer. Il s'agit de préserver les siens, se taper s'il le faut bien mériter. Son respect afin de préserver la paix. Dieu merci, les problèmes, c'est avec les mots, avec les points. Pour ceux qui comprennent, mais s'il faut s'armer, on le fera bien. Alors attention à ce que tu fais, on parlera de ton dessin. Ne comptez plus sur la pitié, on s'est trop fait enculer. Il a bien fallu accepter, se taper pour la paix, de sacrifier pour sauvegarder. Tu te fais broyer, il a bien fallu adopter l'instinct animal, forcé pour avancer. Soit lui-même devenu banal, ouais, c'est comme ça face aux putes. On leur perd bien une cure, ouais, c'est plus des claques qui se perdent, mais des boulons dans la tête. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, litre de sang pour litre de sang. Yo, ici on vit avec mon 1200 par mois. Si je fais pas les choses qui les frappent, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, litre de sang pour litre de sang. Yo, ici on vit avec chose qui les fera. On a la dalle et puis on court tous après la thune. Tout le monde se tire dans les pattes, y'a trop de lacunes. Et ouais, on fume, on rend les coups dans la brume. Et quand ça part en couille, souvent ça fait la une. C'est règlement de compte sur règlement de compte. La plupart des embrouilles partent d'un petit truc de con. Mais nous on est comme ça, on a grandi comme ça. C'est la loi du talion, personne peut aller contre ça. Plus t'en penser, d'autres salopes essayer. Tu promets la dignité en piétinant le respect. Il a bien fallu les casser, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça va se passer. Quitte à finir enfermé, parce que le pote nous baise. Il faut bien se protéger, parce que l'état nous saigne. Il faut bien frotter, parce que là où je vais, j'ai trop pris pour un con. Moi j'ai un total harmonie avec la loi du talion. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, litre de sang pour litre de sang. Yo, ici on vit avec mon 1200 par mois. Si je fais pas les choses qui les frappent, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, litre de sang pour litre. Yo, ici on vit avec mon 1200 par mois. Si je fais pas les choses qui les frappent.